les erreurs, les illusions. Bon, les couples modernes vont bien au-delà de leur raison. Je te regarde et je vois tes liaisons. M'attendras-tu cette saison? Tout nous sépare, soudain nous nous lassons. Comprendras-tu bien mes raisons? Oh, les couples modernes sont des forteresses ou des bastions. Oh, les couples modernes vont bien au-delà de la raison. Je te regarde et je vois sans façon ces heures de gloire sans passion. L'histoire moderne est une histoire sans fond. Regarde un peu où nous allons. Oh, les couples modernes sont que des questions, que des questions. Oh, les couples modernes sont pas sans erreur, sans illusion. Les couples modernes vont peut-être bien avec raison. Oh, les couples modernes vont peut-être bien avec raison. Oh, les couples modernes vont peut-être bien avec raison. Peut-être bien avec raison.